Chapitre 25e. Madame Jennings s'attachait tous les jours davantage aux habitants de la chaumière et surtout à Elinor. La parfaite bonté du caractère de cette femme, l'amitié qu'elle leur témoignait si franchement, leur faisait oublier ses petits défauts, si légers en comparaison de ses excellentes qualités. Madame Dashwood, qui voyait en elle la meilleure, la plus indulgente des mères, lui pardonnait bien volontiers son ton un peu trop trivial et ses manières un peu vulgaires. Emma s'amusait de sa franchise et grosse gaieté. Elinor, toujours bonne, toujours simple, indulgente par caractère, disposée à la bienveillance, et à trouver que les qualités du cœur valent bien celles de l'esprit, aimait beaucoup la bonne Jennings et ne s'apercevait presque plus de ce qui lui manquait. Mais Maria, la sensible, la délicate Maria, ne pouvait s'accoutumer à son langage, à ses manières, et tout en convenant cependant qu'elle avait assez de chaleur dans les sentiments et de complaisance pour ceux des jeunes gens, elle ajoutait toujours « Quel dommage que son esprit et son goût n'y répondent pas !» et fuyait sa société autant qu'il lui était possible. Aux approches de la fin de l'année, Madame Jennings commença à tourner ses pensées vers Londres et à désirer d'y retourner. Après la mort de son mari, qui s'était enrichi dans le commerce, elle quitta la cité et prit une très élégante maison près de Portman Square. Ses filles avaient épousé l'une un baronnet, l'autre un bon gentilhomme. Elles passaient toute la belle saison chez l'une ou chez l'autre, et l'hiver les réunissait à la ville. Cette année, elle avait prolongé son séjour à Barton en faveur du voisinage. Mais lorsqu'enfin elle se fut décidée à partir, elle demanda un jour aux demoiselles Dashwood de l'accompagner à Londres et d'y demeurer quelque temps avec elle, en les assurant avec sa cordialité accoutumée qu'elle ne pouvait plus se passer de leur société. Maria rougit de plaisir à cette invitation et ses yeux s'animèrent. Elinor n'y fit nulle attention et, croyant que sa sœur pensait là-dessus comme elle, elle exprima sa reconnaissance à Madame Jennings en l'accompagnant d'un refus positif. Le motif qu'elle alléguait était leur résolution décidée de ne point quitter leur mère et surtout pendant l'hiver. Madame Jennings parut surprise et répéta son invitation en les pressant vivement de l'accepter. « Vous comprenez bien, jeune fille, dit-elle, que j'ai déjà demandé l'avis de la maman. Il est tout à fait conforme au mien. Elle est charmée que vous alliez un peu respirer l'air de Londres. Ainsi, c'est tout arrangé. » Et j'ai mis dans mon cœur de vous avoir chez moi. Vous ne me gênerez pas du tout, ma maison est assez grande à présent que j'ai marié Charlotte, et quant au voyage, j'envoie Betty la première par le coche pour nous recevoir. Nous pouvons très bien tenir trois dans ma chaise. Une fois en ville, tout ira de soi-même. Si vous me trouvez trop vieille, si vous vous ennuyez chez moi ou dans ma société, vous pourrez toujours aller chez l'une de mes filles. Vous voyez comme je les ai bien mariées. Si je n'en fais pas autant de vous, ce ne sera pas ma faute, et peut-être, avant la fin de l'hiver, le serez-vous toutes les deux. « J'ai un soupçon, » dit Sir George, « que si on consulte Mademoiselle Maria, elle n'aura aucune objection contre ce projet. Mais sa sœur aînée sera plus difficile à gagner. Ai-je deviné, Miss Maria ? Je parie que oui. « Et vous avez raison, » dit-elle avec sa franchise ordinaire. « Oui, je l'avoue, je serai parfaitement contente d'aller à Londres cet hiver. » Ce serait un si grand bonheur pour moi, qu'à peine puis-je l'exprimer. C'est vous dire, chère dame, que votre invitation vous assure pour jamais ma plus tendre reconnaissance. » Elinor entendit très bien ce que sa sœur voulait dire et ce qui l'attirait si puissamment à Londres. Elle devait y trouver Willoughby. Que fallait-il de plus? Elinor aimait Maria trop tendrement pour pouvoir se résoudre à l'affliger en mettant trop d'obstacles à ce qu'elle désirait avec tant d'ardeur. Pressée donc de nouveau par Madame Jennings, elle se contenta cette fois de s'en remettre à la décision de leur mère, qui, par bonté pour ses filles, disait-elle, avait cédé à l'envie de leur procurer un plaisir, mais qui souffrirait certainement de se séparer d'elle. À peine eut-elle achevé cette phrase, que Maria reprit la parole avec plus de vivacité encore que la première fois en s'écriant « Ah mon Dieu, ma sœur, croyez-vous réellement que notre départ lui serait si pénible ? Alors il n'y faut pas songer. Ma bonne, ma tendre mère, non, non, nous ne devons pas la quitter, si notre absence la chagrine. Si elle est moins heureuse, moins bien soignée, Ah non, non, rien au monde ne pourrait me forcer à la laisser, n'est-ce pas, Elinor ? Il n'en est plus question. » Elinor embrassa tendrement sa sœur et reconnut là cette chaleur de sentiment qui l'entraînait également d'un côté ou d'un autre, suivant l'avis de son cœur, mais elle n'osa pas se flatter qu'elle persista longtemps dans cette sage résolution. En effet, lorsqu'elles rentrèrent chez elles, elles trouvèrent leur bonne maman transportée de l'idée de ce voyage et des plaisirs que ses filles auraient à Londres. Et sans doute aussi, son orgueil maternel était flatté en pensant combien elle serait admirée. Maria reprit bien vite alors son envie de partir, dès qu'elle se crut sûre de ne plus chagriner sa mère. Et dès que celle-ci vit combien sa fille chérie le désirait, elle devint plus pressante et finit par l'ordonner positivement. Elle ne voulut entendre aucune objection, insista pour le départ, et détailla avec sa vivacité ordinaire tous les avantages qui devaient en résulter. « C'est précisément, disait-elle, ce que je souhaitais le plus au monde, sans oser le demander à cette bonne Madame Jennings. Mais les cœurs de mère s'entendent, et le sien a deviné mon désir. » Emma était un peu trop dissipée cet été. Son éducation en a souffert. Seule avec elle, je m'en occuperai uniquement, je lui donnerai des leçons. Nous lirons, nous ferons de la musique ensemble. Et lorsque vous reviendrez, vous serez, j'en suis sûr, surprise de ses progrès. J'ai aussi un petit plan de quelques réparations dans vos chambres, qui se feront sans inconvénient pendant votre absence. Et je suis charmé que vous ayez l'occasion de voir et de connaître les manières et les amusements de la bonne compagnie de Londres, où peut-être votre goût et vos talents se perfectionneront. Vous entendrez de la musique excellente, Maria. Vous verrez des collections de superbes tableaux. Elinor, et ce qui vaut mieux encore, vous retrouverez là votre frère. Et quels que soient ses torts, ou plutôt ceux de sa femme, quand je songe qu'il est le fils de mon cher Henri, je ne puis supporter que vous soyez si entièrement étrangers les uns aux autres. Vous n'avez pas l'air aussi contente que je le voudrais, ma chère Elinor. Je l'avoue, maman, dit-elle. Quoique votre extrême bonté pour nous vous fasse lever tous les obstacles à ce voyage, j'en vois encore un cependant qui me paraît presque insurmontable. Maria fit un mouvement de dépit et baissa la tête d'un air boudeur. Et quoi donc ? Dit Madame Dashwood. « Qu'est-ce que ma prudente Elinor trouve à redire à ce plan ? Quel formidable obstacle sa raison va-t-elle mettre en avant ? Je vous prie au moins de ne pas dire un mot sur la dépense. Je pourvoirai à tout ce qu'il faudra. » Et les filles de M. Henry Dashwood paraîtront dans le monde comme elles doivent y paraître. « Allons, parlez, sage Elinor, » dit-elle avec son charmant sourire. « Quelles sont vos objections ?» Mon objection, ma mère, me coûterait à dire, si ce n'était pas absolument entre nous. J'aime Madame Jennings de tout mon cœur. J'ai la meilleure opinion d'elle et de son caractère. Je sais que nous pouvons compter sur des soins vraiment maternels. Mais son ton, et peut-être ses relations de société, ne sont pas ce que vous désirez pour vos filles. Elle ne peut ni nous protéger, ni nous donner aucune considération dans le monde, et mon frère lui-même trouvera mauvais peut-être, ou du moins ma belle-sœur, que nous demeurions chez elle. C'est vrai, à quelques égards, répliqua sa mère, mais vous serez très peu dans sa société, et vous paraîtrez toujours en public avec Lady Middleton. D'ailleurs, Madame Jennings est riche, tient une bonne maison, est belle-mère d'un baronnet. Il n'en faut pas davantage à Fanny, et même à John, pour la trouver de très bonne compagnie. « Si Elinor est effrayée d'aller à Londres avec Madame Jennings, dit Maria, elle peut rester ici. Moi, je n'ai point de tels scrupules. Et il m'en coûtera peu de me mettre au-dessus de cet inconvénient, avec une personne aussi bonne, aussi obligeante. » Elinor ne put s'empêcher de sourire en pensant combien elle avait eu de peine à persuader Maria d'être seulement polie avec cette femme qu'elle avait déclarée dès le premier abord être la personne la plus commune et la plus ennuyeuse qu'elle eût jamais rencontrée. Son indulgence actuelle était une si forte preuve de son envie de rejoindre Willoughby que, malgré toute la répugnance qu'Elinor avait pour ce voyage, vu qu'elle pouvait y rencontrer Edward, elle résolut de ne pas abandonner à elle-même une jeune personne aussi passionnée, et la pauvre Madame Jennings, aux soins de veiller sur elle, et à l'ennui de n'avoir pas même l'agrément de sa société, car elle était convaincue que Maria passerait seule dans sa chambre tous les moments où elle ne serait pas avec Willoughby, pour penser à lui en liberté. Elle se décida donc à être du voyage, d'autant plus qu'elle se rappela que Lucie lui avait dit qu'Edward ne serait à la ville qu'au mois de février, et qu'elle espérait être alors de retour à la chaumière. « Allons, c'est donc arrangé, » dit Madame Dashwood. « Vous irez toutes deux et vous verrez que vous y amuserez extrêmement à Londres. Surtout en y étant ensemble. Elinor, principalement, y trouvera un grand avantage, en ayant l'occasion de faire la connaissance de la famille de sa belle-sœur et de voir Madame Ferrars. » Elinor rougit. Elle avait eu souvent le désir de prévenir sa mère de l'état des choses pour que le coup fût moins frappant quand elle apprendrait la vérité. Mais c'était le secret de Lucie qu'elle ne pouvait pas trahir. Elle se contenta donc de dire avec beaucoup de calme « J'aime Edward Ferrars, et je serai toujours charmée de le voir, mais quant au reste de sa famille, il m'est complètement indifférent de les connaître ou non. » Madame Dashwood sourit et ne dit rien. Maria leva les yeux au ciel avec l'air de l'étonnement et du scandale. La chose étant décidée, Madame Jennings reçut dans la journée les remerciements de la mère et l'acceptation de ses filles, qui la mit dans une grande joie. Elle donna toutes les assurances imaginables des soins qu'elle en aurait, ce dont Madame Dashwood n'avait aucun doute. Sir George aussi fut enchanté. C'était deux personnes de plus pour ses dîners, ses bals et ses assemblées. Lady Middleton leur dit en termes choisis et civils qu'elle serait charmée de les retrouver à Londres. Les deux Miss Steeles, et surtout Lucie, assurèrent que cette nouvelle les rendait tout à fait heureuses. Elinor prit enfin son parti de ce voyage. Quoique très raisonnable, elle n'était pas insensible au plaisir de voir Londres pour la première fois. D'ailleurs, sa mère en était si contente et sa sœur si transportée de joie qu'elle ne put se défendre de partager leur plaisir. Marianne était plus pensive, plus soupirante, plus mélancolique. Elle reprit toute sa gaieté, tout son enthousiasme et redevint plus belle, plus brillante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle attendait le moment de partir avec une grande impatience, et quand le jour si désiré arriva, quand il fallut dire adieu à sa mère, son cœur parut près de se rompre. Elle était baignée de larmes, et dans cet instant elle aurait volontiers consenti à rester, quitte à en pleurer tout le reste de l'hiver. Madame Dashwood était aussi très affectée. Elinor fut la seule qui, par son courage, adoucit le chagrin de la séparation, en répétant combien elle serait courte et en parlant du jour du retour. C'étaient les premiers jours de janvier. Les Middleton devaient suivre dans une semaine, et les chères cousines Steeles restaient avec eux au parc jusqu'au jour du départ.